franceinter.fr. Aujourd'hui et demain, dans Affaires sensibles, deux émissions consacrées à l'une des grandes figures du XXe siècle français, la psychanalyste Françoise Dolto. Aujourd'hui, dans ce premier volet, nous reviendrons sur le parcours, les travaux et la présence médiatique de Françoise Dolto. Il s'agit de comprendre comment, à travers cette trajectoire singulière et à contre-courant, elle a révolutionné notre regard et notre rapport à l'enfant. Demain, dans la fiction, nous nous intéresserons à ses années de jeunesse. Deux émissions chronologiquement inversées, comme le reflet de Françoise Dolto elle-même, qui vers la fin de sa vie est revenue sur sa propre enfance pour éclairer ses travaux d'un jour nouveau. Prendre en compte les souffrances et les désirs de l'enfant, l'écouter et lui parler comme une personne à part entière. Aujourd'hui, ces considérations paraissent évidentes et tenant du bon sens. Pourtant, il a fallu que Françoise Dolto mette cette thèse en pratique, l'explique, l'écrive, pour que ce regard sur l'enfant change et qu'une révolution se mette en marche. Ce qui ne fut pas sans conséquence, bien sûr. Objet d'un véritable culte, vénéré par les uns, honni par les autres, Françoise Dolto laisse un héritage contrarié sur lequel s'affrontent médecins, psychanalystes, éducateurs. Car Françoise Dolto tient une place à part dans l'histoire de la psychanalyse. Reconnue pour son génie clinique, elle n'a pas fait œuvre théorique, un hiatus qui a ouvert la voie à diverses interprétations et critiques. Se pencher sur le parcours de Françoise Dolto, c'est donc traverser 50 ans d'histoire de la psychanalyse française et c'est ausculter une méthode qui elle-même s'est construite sur le scandale, le débat et la rupture. Pour nous accompagner au cours de ces deux émissions, nous recevrons Elisabeth Roudinesco, historienne et psychanalyste, auteure d'une histoire de la psychanalyse en France et de plusieurs biographies sur Jacques Lacan ou Sigmund Freud, et qui a connu personnellement Françoise Dolto. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Anne-Laure Cochet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La psychanalyste Françoise Dolto est morte hier à l'âge de 79 ans. Avec autant de simplicité que de chaleur, elle avait su faire entrer la psychanalyse dans notre vie quotidienne et nous faire comprendre, entre autres, que l'éducation des enfants, ce n'était ni le laisser-aller, ni les grands coups de yaka, mais une œuvre d'écoute, de bon sens et d'amour. Les parents voudraient que leur enfant soit la réussite totale, qu'il ne soit jamais malheureux. Or, un enfant qui ne serait jamais malheureux, ce n'est pas un être humain. Comprendre l'enfant, le respecter, ne signifie pas l'absence de règles. Et je crois que c'est ce qui a été le plus mal compris. On dit les enfants d'Olto, entre guillemets, c'est les enfants qui peuvent tout faire, qui n'ont pas de limites, etc. Alors que c'est exactement le contraire. Je trouve qu'elle a été un personnage tout à fait utile à la radio française, mais pas avec les patients. Elle était, je trouve, intuitive, elle disait un peu n'importe quoi, me semble-t-il. Mais je ne crois pas qu'elle était une psychanalyste vraie. J'aimerais bien que les historiens se penchent sur, entre 1940 et 1944, sur la vie de Françoise Dolto. Là, des fois, ça me heurte en tant que citoyen. Quand je sais que René Laforgue faisait son grand psychanalyste ami, faisait des allers-retours à Berlin, pas terrible à l'Institut Göring. Je crois qu'on prête à Dolto les propos qu'elle n'a jamais tenus. Une permissivité qui est totalement étrangère à la pensée de Françoise Dolto. Le 25 août 1988, lorsque Françoise Dolto meurt à 79 ans, l'émotion est nationale. La France salue la mémoire de la figure la plus populaire de la psychanalyse française. Près d'un siècle après son invention par Sigmund Freud, cette méthode qui a mis en avant le rôle de l'inconscient dans le traitement des troubles psychiques et des névroses, s'est constituée une place de choix dans la société française. De nombreux parents, enseignants, professionnels de l'éducation font du Dolto, comme on dit alors, parfois sans même le savoir. À l'heure où l'on commence à inaugurer des écoles, des rues ou des établissements à son nom, toute une génération de Français se remémore ses émissions sur France Inter, durant lesquelles elle répondait aux lettres écrites par les parents au sujet de leurs enfants et des grandes questions qui traversent la vie quotidienne et l'éducation. On salue alors un demi-siècle de passion dédié à la psychanalyse de l'enfant qu'elle a profondément renouvelée, révolutionnée, mais surtout transmise. Inévitablement, ces moments d'hommage et de célébration, c'est aussi l'occasion de libérer la parole, si je puis dire. Et les critiques fusent. Il faut peu de temps pour que l'héritage de Françoise Dolto soit mis en cause. Si tous s'accordent à reconnaître le rôle fondamental qu'elle a joué dans l'approche de l'enfance, ils sont nombreux à dénoncer les limites et les risques de certaines de ses hypothèses. Dolto serait responsable de l'enfant roi ou tyran, c'est selon. L'enfant exerce sa tyrannie et la société le fait roi. Tiens, prenez le train avec une poussette, tout le monde sera à votre service. Et qu'un enfant hurle dans le wagon pendant tout le voyage, pourrissant. Le voyage de tous les passagers, vous en verrez rarement protester. Que voulez-vous, c'est un enfant, ça c'est la réalité. Et c'est la faute à Dolto, ça c'est un mensonge. On l'accuserait même d'avoir légitimé l'inceste. Ces théories seraient pour la plupart farfelues. Enfin, le doltoïsme serait une religion puissante diffusée dans la plupart des institutions éducatives et les héritiers de celle qui est devenue gourou ou statue indéboulonnable prolongeraient une œuvre responsable bien des maux de la génération actuelle. Et c'est là qu'on trouverait les réponses à la crise d'autorité qui secoue aujourd'hui les parents que les enfants n'écoutent plus. Ainsi, au fil du temps, les positions entre pro-Dolto et anti-Dolto se cristallisent. D'un côté, on tombe dans une hagiographie aveugle, de l'autre, on tend vers la critique malhonnête. Un clivage à l'image de cet héritage controversé, heurté, paradoxal. Alors, comment comprendre cet écart, cette querelle constante depuis la disparition de la psychanalyste? Pour répondre à ces questions, il faut revenir sur son parcours et ses travaux, qui, inscrits dans leur contexte, permettent de comprendre leur impact et leur caractère novateur. Il faut également insister sur la présence médiatique de Françoise Dolto, qui a joué un rôle majeur dans les débats et les affrontements actuels. Alors, embarquons pour un voyage au cœur de cette aventure intellectuelle qu'est la psychanalyse française et cette psychanalyste française. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. Il est 11h. Vos enfants dorment. Leurs esprits vagabondent dans cet univers magique et simple, dont la vie quotidienne, par vos soins, a peuplé leurs songes. Vos petits garçons, vos petites filles deviennent sous vos yeux des hommes et des femmes qui affronteront un jour, bientôt peut-être, les réalités incertaines et redoutables de leurs conditions humaines. Parmi ces réalités, celles dont l'existence vous embarrasse le plus pour eux, ce sont les servitudes, les tentations et les risques de la vie sexuelle. Comment amener un enfant insouciant, un enfant ignorant, à la connaissance et à l'exercice de fonctions qui peuvent l'abaisser au niveau des bêtes et qui tout à la fois le hissent vers ses hauteurs où il aime situer les anges? Comment lui donner cette éducation sexuelle que vous, ses parents, n'avez sans doute jamais reçu, et dont vous ressentez pour lui la gênante, la pressante nécessité. Nous sommes au mois de mai 1950, lorsque Raymond Thévenin, pour l'émission Tribune de Paris sur la radio française, consacre une série de 5 émissions autour de la sexualité de l'enfant. Signe avant-coureur d'une France qui se relève des ruines de la Seconde Guerre mondiale, frémissement d'une nouvelle époque qui s'annonce, où la société de consommation et le règne de la classe moyenne viendront vite remplacer les années de pénurie du temps d'occupation. Avec cette entrée dans les Trente Glorieuses, la société française s'ouvre à de nouvelles préoccupations, parmi lesquelles la psychanalyse. Après avoir annoncé le thème de l'émission, les deux journalistes présentent leurs invités. Parmi eux, la médecin et psychanalyste Françoise Dolto. Née Françoise Marette, le 6 novembre 1908 à Paris, dans une famille bourgeoise, elle découvre la psychanalyse dans les années 30, au cours de ses études de médecine, avec le célèbre spécialiste de l'époque, René Laforgue. À cette époque, la méthode freudienne est encore marginale. On compte seulement 12 psychanalystes à Paris. Cette spécialité est encore vue comme une pseudo-science qui parle de sexe et que pratiquent des juifs autrichiens. Françoise Dolto est largement convaincue par sa découverte et Laforgue l'encourage à devenir psychanalyste. Côté médecine, elle s'intéresse d'emblée à la psychiatrie et à la pédiatrie. Au cours de son externat, elle est particulièrement choquée par le traitement réservé aux malades mentaux. On parle de grabateurs, de gâteux, on utilise des camisoles de force. Elle constate un retard considérable dans la prise en compte du psychisme. Au même moment, elle rencontre Sophie Morgenstern, qui, la première en France, applique la psychanalyse aux enfants. Sexualité, enfance, psychanalyse, c'est justement sur ces questions qu'on interroge Françoise Dolto en ce mois de mai 1950. Et alors, quel langage emploierez-vous? C'est cela l'important pour nous. Le langage le plus simple, c'est-à-dire, l'homme a un organe sexuel qui comprend un organe pénétrateur. C'est cela. C'est la verge. Tu as vu sur des garçons, sur des petits garçons, les frères, si elles en ont, tu as vu comment ils étaient faits. Quand l'homme a besoin d'une femme, cette verge entre en érection. Ça se dit comme cela, et cela veut dire que cet organe grossit et qu'il devient dur. À ce moment-là, il peut pénétrer dans le vagin d'une femme, et il peut aussi émettre un liquide qui contient le germe masculin. Ce germe masculin, en se combinant au germe féminin, donne la possibilité d'un enfant. Exactement, oui. Aussi simplement que cela. Êtes-vous d'accord, mon père? Je vous vois, il me semble, manifester quelques réticences. Oh, écoutez, je crois que sur ce plan-là, on peut apporter ces détails. Je ne sais même pas s'il est besoin... Le jour où l'enfant les demande. Oui, c'est ça. Parlez vrai aux enfants, leur dire concrètement les choses. D'emblée, Françoise Dolto affiche ses positions. Elle en a posé les fondements dès 1939 dans sa thèse intitulée « Psychanalyse et pédiatrie ». Une recherche qui ne manque pas d'être raillée par la profession. Au cours de sa soutenance, le président du jury se moque ouvertement de son travail. À l'hôpital Trousseau, où elle commence ses consultations gratuites en 1940, on n'hésite pas dans les couloirs à murmurer de doux surnoms genre « la folle ». Mais enfin, que peut bien dire et faire Françoise Dolto pour soulever pareil mépris et hostilité? Aurait-elle eu tort d'avoir raison trop tôt? Dans sa thèse, puis dans sa pratique, elle met en avant deux concepts essentiels. Ce qu'elle appelle les castrations symboligènes et l'image inconsciente du corps. Dans le prolongement de Freud, elle met l'accent sur les fonctions du désir et du langage, c'est l'être humain et donc chez l'enfant. Ainsi, derrière chaque symptôme, même les plus quotidiens, comme l'éthique, les bégaiements ou l'immixtion nocturne, se cachent les problèmes de l'inconscient à prendre en compte et à analyser. Il faut donc parler aux enfants, les écouter, leur expliquer pour éviter qu'ils ne développent des troubles. Inévitablement, lorsqu'elle prodigue ses conseils et avis au cours de l'émission en 1950, les auditeurs protestent. Eh bien, voici maintenant notre grande coupable, Madame la doctoresse Dolto, qui, je crois, a été, et de loin, l'objet des plus grandes objections. Madame Dolto. Oui, on m'a reproché, par exemple, d'employer les mots que les enfants emploient, leurs mots techniques à eux. Mais si nous n'employons pas ces mots techniques à eux, quels mots aurons-nous? Des périphrases qui, pour eux, n'ont aucun sens dans leur langage à eux, ceux qu'ils emploient entre eux. C'est ce langage-là que j'ai voulu donner aux mamans parce que c'est justement celui-là qui leur manque à celles qui voudraient faire cette éducation sexuelle de leurs petits-enfants. Et j'ai montré, il m'a semblé que je l'avais montré, que c'était très facile, non pas ex cathedra, mais quotidiennement, à l'occasion précisément de leurs questions, en reprenant les propos même de leurs questions qui s'accompagnent toujours de leur vocabulaire. Et c'est avec leur vocabulaire que nous leur répondons. Dans le sillage de John Dewey aux États-Unis ou de Maria Montessori en Italie, Françoise Dolto propose, à travers ses travaux, une nouvelle conception du rapport à l'enfant. Elle montre qu'il est une personne dotée de pensées, d'émotions, et ce, dès le plus jeune âge. Ainsi, dans un même mouvement, elle pose les bases d'une nouvelle méthode psychanalytique et ouvre la voie à une pédagogie révolutionnaire. Mais les réactions hostiles de la profession ou du public témoignent d'une société qui n'est pas encore prête. D'autant que la psychanalyste française est elle-même dans une période trouble. Au début des années 50, la Société psychanalytique française, première institution du genre en France, fondée en 1926, est plongée dans une profonde discorde sous la houlette d'un certain Jacques Lacan. Lacan et Dolto se rencontrent en 1938. Elle suit son séminaire à Sainte-Anne et ils se rapprochent après la guerre. Entre eux, une relation d'amitié et d'admiration mutuelle s'instaure. D'un côté, Dolto est impressionnée par les thèses avancées du célèbre psychiatre et psychanalyste, même si elle reconnaît ne pas toujours tout comprendre, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. De l'autre, Lacan retrouve dans la pratique de Dolto certaines applications concrètes de ses théories. Ensemble, ils s'opposent à Sacha Nacht et Serge Lebovici, les directeurs de la Société psychanalytique, sur des questions théoriques, mais aussi de pratique de la psychanalyse. Lacan, par exemple, défend une souplesse de la durée des séances qui peuvent, selon lui, être parfois très courtes. Dolto et lui soutiennent la pratique disons, profanes de la psychanalyse, c'est-à-dire par des non-médecins. Démissionnaires de la société, Lacan et Dolto en font une autre, en 1953, la Société française de psychanalyse. Conséquence directe, ils sont exclus de l'IPA, l'Association psychanalytique internationale, puis interdits de formation et coupés de la légitimité de M. Freud. 10 ans plus tard, en 1963, ils créent l'école freudienne de Paris. Alors qu'on pourrait penser la psychanalyse française plongée dans la crise, ces 10 années sont au contraire celles d'un intense bouillonnement intellectuel, d'une modernisation des pratiques, d'une influence croissante du public. Bref, la psychanalyse se développe et se diffuse, entraînée par le charisme de son nouveau chef de file, Jacques Lacan. Pendant un certain temps, on a pu croire que les psychanalystes savaient quelque chose. Mais ça n'est plus très répandu. Le comble du comble, c'est qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. En quoi ils ont tort? Alors justement, ils en savent un bout. Se moquent exactement comme pour l'inconscient dont c'est la véritable définition. Ils ne savent pas qu'ils le savent. Françoise Dolto, qui a longtemps souhaité rester en dehors des querelles institutionnelles, se retrouve aux premières loges des affrontements. À l'école freudienne, elle poursuit son travail sous la forme d'un séminaire qui attire de plus en plus de monde. En plus de ses consultations à l'hôpital Trousseau, elle en tient d'autres dans d'autres instituts, comme au centre Étienne Marcel. Elle participe aussi à plusieurs colloques. C'est d'ailleurs au cours de l'un d'entre eux, en 1966, qu'elle vient présenter le cas Dominique. Elle raconte avec force détail les 12 séances auprès d'un adolescent de 14 ans. En 1971, le cas Dominique et la thèse de Françoise Dolto, intitulée « Psychanalyse et psychiatrie », pourtant écrite plus de 30 ans auparavant, sont éditées coup sur coup et connaissent un certain succès en librairie. Pour la promotion de ses ouvrages, Françoise Dolto est invitée sur les plateaux de télé et de radio. Elle revient sur ce fameux cas Dominique, où elle expose ses avancées cliniques. Oui, je le décris. Oui, vous le décrivez aux premières pages du livre, bien sûr. Mais cet aspect qui faisait qu'il n'était pas comme les autres ne doit jamais nous faire oublier qu'un être humain est un être humain à 100%, toujours, en tant que sujet dans ce corps qui ne trouve pas à communiquer. Or, on est étonné que cet enfant me disant « j'ai vécu une histoire vraie » et que je lui réponde « qui t'a rendu pas vrai ». Mais pourquoi? Parce qu'un psychanalyste réagit exactement par rapport à « ici et maintenant ». Or, cet enfant, ce garçon de 14 ans, qui paraissait un adolescent, me parlait avec une voix de bébé de 2 ans. Donc, il n'était pas vrai. Et c'est pour ça que je lui ai répondu ça. Ce qu'on découvre au fil de ce texte fondateur, c'est une méthode, une manière de travailler, de construire le transfert entre l'enfant et le psychanalyste, entre l'analysé et l'analysant. On entre véritablement au cœur d'une cure psychanalytique. On apprend ainsi certaines innovations de Françoise Dolto, comme le paiement symbolique qui invite le patient-enfant à payer sa consultation en apportant un caillou, un timbre ou un dessin à chaque séance pour signifier qu'il veut continuer. Comme avec les adultes, invités à payer pour montrer aussi leur adhésion au travail accompli par eux et le psy, en liquide de préférence, question d'adhésion probablement. On se plonge alors avec Dolto dans l'interprétation des dessins ou des modelages réalisés par l'enfant. On découvre l'intuition de la psy dans le rapport et la compréhension de son ressenti exprimé à travers son langage, ses expressions. Le moment choisi par Dolto pour aborder le cas Dominique n'est pas anodin. Et le succès rencontré par ses livres en librairie non plus. Car entre 1966, date de présentation du cas Dominique, et 1971, publication d'ouvrage, le mois de mai 1968 est passé par là et lui aussi a bouleversé la psychanalyse en France. Le public se montre encore plus ouvert aux théories psychanalytiques et à la méthode de Dolto dans l'éducation de l'enfant. Sauf que le cas Dominique traduit également un autre enjeu. Depuis quelques années, la question du traitement psychanalytique des enfants présentant des déficiences mentales est placée sur le devant de la scène par les psychanalystes. Se pose de plus en plus la possibilité de compléter les traitements cliniques en milieu hospitalier ou institutionnel par des cures psychanalytiques. Or, la tension entre ces deux mondes, la psychiatrie et la psychanalyse, qui s'observent dans un mélange d'attrait et de répulsion depuis de nombreuses années, est toujours forte. Pour le public aussi, la question est entière, comme en témoigne cette discussion entre Françoise Dolto et un journaliste. La psychanalyse est-elle une thérapeutique ? Non. Est-ce que, à la fin de ces innombrables séances, est-ce que ce malade est en meilleur état moral que lorsqu'il est entré pour la première fois dans votre cabinet ? Je ne peux pas vous répondre parce que les mots que vous posez ne correspondent pas à ce que nous entendons. Une analyse, une psychanalyse, est une méthode de travail grâce à laquelle ce qui n'a pas été vécu dans le passé se revit à l'occasion de la relation au psychanalyste. Mais ce qui est l'actuel ne se vit pas avec le psychanalyste. Oui, mais tout de même, on estime c'est du revécu du passé. Que quand le transfert s'est opéré, ce fameux transfert qui est l'alpha et l'oméga de la psychanalyse, quand ce transfert est opéré... est en cours. Enfin, oui. Ce que vous appelez le transfert, est-ce synonyme de guérison ? Mais puisque vous êtes un médecin, vous avez des malades devant vous. Quand on va voir un médecin, c'est parce qu'on est malade. Mais nous ne sommes pas des médecins. Si, vous êtes des médecins. Mais non, il y a beaucoup de psychanalystes qui ne sont pas des médecins. Oui, mais enfin, vous êtes médecin. Oui. Donc, vous avez devant vous des malades qui viennent vous trouver pour être guéris. Ils ne viennent pas vous trouver pour un jeu. Ils viennent pour être mieux dans leur peau. Au cœur de l'année 1971, nous en sommes donc là, du parcours de Françoise Dolto, celui d'une clinicienne engagée qui a posé les bases théoriques d'une méthode et qui se retrouve plongée dans une bataille institutionnelle derrière son ami Lacan. Un parcours marqué aussi et surtout par des interventions médiatiques et des publications. Le chemin est ouvert, Françoise Dolto décide de l'emprunter jusqu'au bout. Dans quelques années, elle sera présente tous les jours pendant une heure sur l'antenne de France Inter. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y a pas d'affaires. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Traîne fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant que je fais du music-hall. Je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô, maman, bobo. Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête, y'a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y'a rien à faire. Je suis mal en campagne, je suis mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô, maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô, maman, bobo. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman bobo. Allô maman bobo. Ce que je voudrais faire au cours de cette émission, c'est aider les parents à réfléchir à leurs problèmes. Les parents ont un peu pris l'habitude depuis ces dernières années d'aller directement chez des psys pour tous les problèmes qui se posent. alors qu'ils pourraient réfléchir eux-mêmes, et c'est ce que je voudrais faire, les aider à réfléchir. Ils ont les éléments eux-mêmes pour trouver les solutions, mais ils ne savent pas qu'ils les ont. Et je crois que si nous recevons des lettres, et que ces lettres sont assez explicites, nous pourrons aider les parents, avec les éléments qu'ils nous donnent, à comprendre eux-mêmes comment sortir de leurs difficultés. C'est surtout ça que je voudrais faire. Au mois d'octobre 1976, Françoise Dolto inaugure avec Jacques Pradel l'émission « Lorsque l'enfant paraît » sur France Inter. Chaque jour, pendant une heure, elle répond à des lettres envoyées par des parents au sujet de leurs enfants et de leur éducation, sur les grandes étapes de la vie, les problèmes du quotidien. Déjà, à la fin des années 60, dans l'émission de Dr X sur Europe 1, l'incontournable Dolto répondit à des questions posées par des enfants. L'expérience avait tourné court, puisque l'émission avait fait scandale. Le Conseil de l'Ordre des médecins lui avait interdit d'utiliser son propre nom, d'où le Dr X, et des confrères l'accusaient de promettre des consultations de 4 minutes à la radio et donc de leur retirer des patients. Cette fois, Françoise Dolto s'engage pleinement dans son nouveau métier. Elle abandonne presque toutes ses autres activités d'analyste pour répondre chaque jour à tous ses parents en quête de sens et de conseils. Elle s'adresse à une génération d'hommes et de femmes qui a vécu le souffle de mai 68 quelques années auparavant et qui se montre à la fois plus ouvert, mais aussi plus inquiet. Bonjour Françoise Dolto. Bonjour Jacques Pradel. Alors on va commencer tout de suite avec la lettre d'une auditrice qui vous parle en fait d'une de ses filles. Elle a deux filles, l'une de 12 ans, l'aînée, et puis l'autre, la petite, de 8 ans. Et il y a une phrase qui l'a frappée, elle vous demande votre avis à ce sujet. Un jour, cette petite fille de 8 ans lui a dit, si toi et papa tu meurs, je veux mourir aussi pour continuer à vivre avec vous. Je crois que cette enfant est très intelligente et qu'elle a traversé la période au cours de laquelle les enfants doivent, c'est obligatoire, qu'ils imaginent la mort des parents. Ceci se passe autour de la chute des dents de lait. Et peut-être beaucoup d'enfants se sentent coupables de penser des histoires comme ça, si papa mourait, si maman mourait, et n'osent pas en parler. Et le fait de ne pas oser en parler les laisse bébés. Bon, ceci c'est une chose, ce sont les cauchemars de cette époque édipienne qui n'ont pas pu se dire et que la maman a dit, mais tu sais, c'est pas du tout de penser à la mort des parents qui les fait mourir. On reconnaît là cette pierre angulaire de la révolution d'Olto, la vérité qu'il faut dire à l'enfant. Selon elle, le mensonge, le non-dit, le condamne à une spéculation imaginaire et donc névrotique. La voix, le charisme et la pédagogie de la psychanalyste conquièrent rapidement le public. Pendant 2 ans, l'émission « Lorsque l'enfant paraît » connaît un succès incroyable. Et ce sont très vite des centaines, des milliers de lettres que reçoit Françoise Dolto et qu'elle lit, décortique et interprète à l'antenne. D'emblée, il y a chez Dolto une volonté, celle d'assumer un rôle social. Le média, pour elle, est un moyen de toucher tout le territoire, des petites villes aux campagnes reculées, et surtout toutes les couches de la population française, notamment les classes populaires, certainement plus éloignées des problématiques de la psychanalyse et des avancées en matière d'éducation des enfants. Une manière donc de partager ces années d'expérience au contact des patients. Une médiatisation, en somme, pour sortir la psychanalyse du cabinet et la diffuser à l'ensemble de la société, comme elle l'explique d'ailleurs lors de cette interview. Françoise Dolto, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis ravi de vous recevoir dans ce studio, Radio Bleu, Françoise Dolto, parce que vous êtes devenue, depuis quelque temps, une personnalité tout à fait médiatique, comme on a l'habitude de le dire. Vous êtes considérée comme la maman psy, la mama psy, j'ai lu ça dans une revue il n'y a pas tellement longtemps, ou la mamie psy. Et on connaît enfin votre dernière prestation à l'occasion d'un apostrophe spécial qui vous était consacré par Bernard Pivot, où vous avez été, en quelque sorte, consacré, excusez-moi du terme, star de la psychanalyse. Ça ne doit pas vous faire très plaisir. Mais c'est très lourd à porter, c'est un effet de miroir, mais ce n'est pas vrai. Tout ce que je dis, il se trouve que j'ai la possibilité de le faire comprendre aux gens, mais c'est ce que vivent tous les psychanalystes sérieusement formés et qui sont comme moi à réfléchir au problème, mais ils ne peuvent pas toujours l'expliquer avec des mots simples. C'est une grâce que j'ai de pouvoir l'expliquer. C'est difficile, je ne croyais pas que j'y arriverais, mais on peut arriver à faire passer quelque chose des connaissances que la psychanalyse nous a déjà données dans l'évolution des êtres humains. Il faut maintenant que je témoigne pour qu'on sache ce que c'est que la psychanalyse. deux ans, avec le succès de l'émission, Françoise Dolto décroche le statut d'icône. Mais le revers de la médaille ne tarde pas à venir. Sa présence médiatique et son succès provoquent la moquerie ou la colère de certains de ses confrères. Charles Mellman, un élève de Lacan, n'hésite pas à dénoncer une opération de détournement de la psychanalyse et surnomme Dolto Madame Bonne Nouvelle. Jacques Alain Miller, autre lacanien, parle de lamentable bondieuserie. Certaines de ses thèses ou méthodes sont remises en cause. Si on salue son intuition clinique, on critique sa surinterprétation de certains cas. En 1977, Françoise Dolto continue à choquer la profession lorsqu'elle évoque, au cours d'une interview au journal La Vie, sa croyance catholique et qu'elle propose une lecture psychanalytique des évangiles. Dans le milieu des psys, connue pour son athéisme revendiqué, sa laïcité naturelle, sinon en quoi la psychanalyse serait-elle émancipatrice? Bref, la position de Dolto ne manque pas une nouvelle fois de surprendre et d'être moquée. Elle se met à dos également une partie des catholiques qui voient d'un mauvais œil l'incursion psychanalytique dans la sphère religieuse. Au sein de l'école freudienne, la rupture arrive à grands pas. Françoise Dolto critique son fonctionnement et se désolidarise de Lacan sur la formation et la transmission de la psychanalyse. Au cours d'un conseil décisif, elle vote contre lui. Finalement, l'école freudienne sera dissoute en 1980. À partir de là, la psychanalyste quitte les querelles institutionnelles pour se consacrer à son engagement social et éducatif. Depuis quelques années déjà, Dolto s'est engagé sur le terrain politique avec des prises de position en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité ou d'une révision du code pénal sur la sexualité des mineurs. Elle milite pour la rédaction d'une charte des droits de l'enfant. Surtout, elle fonde en 1979 la première Maison Verte, un lieu de socialisation où se retrouvent les enfants de moins de 4 ans et leurs parents. Très rapidement, des dizaines d'établissements ouvrent leurs portes dans toute la France. Signe, encore une fois, du succès de Françoise Dolto, qui s'en explique et qui en explique le concept. Eh bien, avec cette maison, nous avons voulu faire un lieu de loisirs pour les bébés. On pourrait presque dire depuis leur naissance, et de repos pour les parents. Je veux dire un lieu où les bébés puissent être socialisés après leur naissance, autant qu'ils l'étaient quand ils étaient dans le ventre de leur mère. Car les êtres humains ont un besoin absolu de société dès leur naissance. L'être humain est un être social. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'un lieu de socialisation précoce pour les petits les préparerait beaucoup mieux à leur véritable vie de petit humain. Et c'est vrai que cette idée fait ses preuves avec les enfants que nous voyons. Jusqu'à la fin de sa vie, Françoise Dolto aura répondu aux nombreuses lettres reçues de parents, d'amis, collègues ou associations lui demandant des conseils ou un soutien. Jusqu'au bout, elle aura participé à des émissions de radio, de télé, comme ce numéro d'Apostrophe réalisé peu avant sa mort et resté dans la mémoire collective de toute une génération. Avec le temps, il a fallu déconstruire le mythe, remettre en perspective certaines de ses positions, rétablir l'émotion. Ainsi restaurée dans le temps et le contexte de l'époque, on mesure l'avant-gardisme de Dolto autour d'une volonté constante de servir le bien-être de l'enfant. D'ailleurs, elle ne disait pas autre chose lorsqu'elle écrivait dans ses correspondances « Je vois que je suis née trop tôt dans un siècle trop vieux ». Il faut que les parents aient une idée pour leur propre éducation et qu'ils n'écoutent pas tout le monde, y compris pas toujours d'écouter Mme Dolto, hein, parce que Mme Dolto, elle dit aussi quelquefois des bêtises. Aussi qu'ils en prennent et qu'ils en laissent de ce que je dis. Mais actuellement, les parents sont en grand désarroi dans l'éducation de leurs enfants et aussi parce qu'il y a une presse, il y a un rythme bousculant et que tout le monde souffre dans cette fin de siècle, dans une civilisation qui galope. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but unhappy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Françoise Dolto, la révolution Dolto, avec notre invitée Elisabeth Rodinesco. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes historienne et psychanalyste vous-même, auteur d'une histoire de la psychanalyse en France et de plusieurs biographies sur Jacques Lacan ou Sigmund Freud. Et votre dernier ouvrage s'appelle Sigmund Freud, en son temps et dans le nôtre, sorti au Seuil il y a 2 ans. Vous avez connu donc vous-même Françoise Dolto. Comment l'avez-vous rencontrée? Écoutez, juste avant de parler de moi, je voudrais rectifier un tout petit peu le récit que vous avez fait, parce que sinon on comprend pas bien l'itinéraire de Françoise Dolto. La psychanalyse des enfants existait déjà dans l'entre-deux-guerres. Ça date pas de 1945, l'expansion. Autre point très important, à partir de 1945, la psychanalyse pénètre, s'implante beaucoup dans les milieux catholiques, à cause de la volonté du pape d'établir le discernement des vocations. C'est-à-dire justement, ça c'était très actuel, dans l'Église catholique, pour éviter qu'il y ait des vocations qui soient névrotiques, on introduit la cure psychanalytique pour être sûr que le vœu de chasteté que le choix des prêtres est authentique et que c'est pas du tout lié à un refoulement sexuel. Donc, si vous voulez, la condamnation de la psychanalyse par l'Église, c'est évidemment avant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Ensuite, c'est le contraire. C'est absolument le contraire. Et notamment en France, en Belgique, où beaucoup de jésuites, beaucoup de dominicains deviennent psychanalystes. Donc le catholicisme de Françoise Dolto n'est pas du tout quelque chose d'étonnant. Alors après, on va y revenir. Mais est-ce que c'est pas antinomique avec la psychanalyse? Voilà, c'est beaucoup moins antinomique après 1945 qu'avant. Et en outre, si vous voulez, la psychanalyse s'était bien implantée dans les milieux protestants, pas encore fortement dans les milieux catholiques. Et là, le fait que Lacan soit de culture catholique a joué un rôle. Il était bien entendu athée, contrairement à Françoise Dolto, mais sa culture était catholique. Et ça a joué un très grand rôle dans l'expansion des idées psychanalytiques dans le milieu chrétien. J'ai moi-même été élève de Michel de Certeau, qui était membre de l'école freudienne de Paris, qui était jésuite. J'ai bien connu toute cette tendance. C'était pas du tout la même que Dolto. Donc voilà, on va... et à partir de là, on comprend mieux. Moi, j'ai connu Dolto parce que ma mère était avec Françoise Dolto, et donc à la même date, tout en ayant commencé avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais à la même date, Jenny Aubry travaillait avec Françoise Dolto et elle a importé en France les théories de John Bowlby et d'Anna Freud pour s'occuper, moment très important, les années 45-49, on s'occupe beaucoup des enfants abandonnés. C'est un moment très important. John Bowlby est très à la mode aujourd'hui, et c'est un grand psychanalyste anglais, Winnicott bien sûr, et donc il y a un terrain. Et moi, à l'âge de 8 ans, ma mère était psychanalyste d'enfants, médecin des hôpitaux, s'occupait d'enfants abandonnés, et Françoise Dolto, qui n'était pas médecin des hôpitaux, s'occupait d'enfants. Aussi, tout le monde s'occupait des enfants. Donc, je la fréquentais dans ma famille. Ma mère connaissait aussi bien Lacan que Françoise Dolto. Quels souvenirs vous en gardez? À cet âge-là, ouais. Absolument formidable, parce que j'étais une enfant, évidemment, tout à fait insupportable. J'étais pas sage à l'école. Ah bon? J'étais, disons, on dirait aujourd'hui, un surdouée, ou voilà, j'étais, c'est normal, avec l'éducation magnifique que j'ai eue de ma mère, merci maman, j'étais plutôt... Jenny Aubry, hein, oui, on donne son nom. J'étais plutôt une enfant plus avancée, enfin, très douée, et surtout dans les mœurs. Il ne faut pas oublier ce qu'était l'école des années 50, on avait des blouses obligatoires, les filles n'avaient pas le droit de porter des pantalons, il n'y avait pas la mixité, ce n'était pas du tout une école de rêve. J'imagine, Dieu sait si j'aime l'école républicaine, mais enfin, il ne faut pas nous présenter ça comme merveilleux. Bon. Et vous avez continué à la côtoyer plus tard, en vieillissant? Absolument, je l'ai connue toute ma vie. Toute votre vie. Mais moi, je suis incapable d'idolâtrer. Hein. J'ai fait de l'histoire, je n'idolâtre pas, j'aime, j'admire, mais je n'idolâtre pas. Mais disons que, affectivement, on m'a envoyée chez Dolto parce que mes parents divorçaient et que j'étais en plus insupportable à l'école. Et donc, j'ai le souvenir d'une analyse qui n'a pas duré. J'ai essayé ensuite de lui demander si elle n'avait pas gardé des dessins dans ses archives. Elle n'a pas retrouvé. Ça a duré pas très longtemps. Et après, je me suis un peu calmée. Et ce dont je me souviens, c'est évidemment le contraire de cette vulgate stupide qu'on répand sur elle. C'était beaucoup plus, comme d'ailleurs me le disait ma mère, quand on est à l'école, on obéit au maître. Et tu n'as pas à vouloir faire la loi. La loi, c'est que tu dois apprendre, que tu dois être bonne à l'école, que tu dois... Tu peux critiquer, mais intelligemment. Ça veut dire que la permissivité n'est pas une théorie de Françoise Dolto, c'est pas un prosélytisme autour de ça. C'est grotesque. Après, ça se dit quand même, c'est pour ça que je vous pose la question. On passe son temps à dire des choses stupides. Alors, moi, je vais essayer de rétablir un petit peu des faits. Bon. Cette idée de l'enfant roi, je sais pas d'où on le sort. Alors, ça vient de His Majesty Baby, de l'école anglaise, mais ça vient de cette idée très intéressante, que l'enfant, His Majesty Baby, c'est-à-dire l'enfant se prend pour un roi. Ouais. Et donc, tout le travail de psychanalyse d'enfants, mais même si on a affaire à des enfants normalement névrosés, c'est-à-dire comme vous et moi, c'est de leur apprendre de pas céder à leurs pulsions, à tous leurs désirs, à tous leurs instincts, c'est donc c'est le contraire. Mais c'est des repères, l'enfant roi se prend pour un roi, c'est ça que ça veut dire. Mais il n'a pas à devenir un roi. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est pas du tout... à cause de François Dolto qu'on a des troubles scolaires aujourd'hui. Enfin, écoutez, ça va. Historiquement, ça ne marche pas, en plus. Bon, alors pourquoi ? Elle appartient à une période de l'école républicaine qui n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. D'accord, mais pourquoi, pour certains psychanalystes, ces thèses apparaissent comme sulfureuses quand on voit à quel point ils les remettent en cause, et on l'appelait la folle à un moment. C'est quoi cette adversité? C'est dû à quoi? Est-ce qu'elle a eu raison? Elle a tort d'avoir raison trop tôt ou avant les autres? C'est quoi? D'abord, c'est une époque. C'est-à-dire que je pense que elle était contestée même par les psychanalystes d'enfants qui étaient les Bovici, l'autre école psychanalytique, elle était contestée par les psychanalystes eux-mêmes. Là, je pense que aujourd'hui, dans le milieu psychanalytique, on a hérité un peu de tout. Voilà, je dirais que la psychanalyse d'enfants aujourd'hui, elle a hérité au fond autant de Bowlby, de Dziatkine-Leibovitz, c'est-à-dire que de Dolto. Alors, Dolto était une figure, évidemment, aussi bien dans le milieu analytique qu'ailleurs. D'abord, elle était médecin, bien sûr, mais elle n'était pas professeure, elle n'était pas médecin des hôpitaux, elle n'avait pas fait la carrière hospitalo-universitaire que ma mère avait faite. Donc, elle était sujet à critique. Ça compte énormément en France, hein, de pas être grand patron. Ouais. Ma mère a pu faire passer des théories de Bowlby parce qu'elle était grand patron et qu'elle a eu les enfants malades. Bon. Donc, il y avait ça. Elle avait une extravagance, sans aucun doute, que nous entendons bien. D'ailleurs, j'ai été frappée dans le document. Elle a changé de voix, vous avez remarqué. Mmh. Elle a une voix beaucoup plus aiguë, désagréable au début. Ensuite, elle a cette voix magnifique de ce parler vieille France qu'elle avait. Hein, elle a un parler vieille France, Françoise Dolto. Elle parle admirablement. Elle parle le français. Elle tenait ça aussi de Pichon, puis de son milieu. C'est quelqu'un de la grande bourgeoisie. À la fin, on entend qu'elle a une fibrose du poumon, elle respire mal. Voilà. Mais, en effet, elle avait une indépendance. Elle n'entrait pas dans le cadre classique des positions d'Anna Freud, de Mélanie Klein ou de l'école anglaise. Ça veut dire que, pardon de vous couper, ça veut dire que le milieu psychanalytique est conservateur? Je dirais pas à cette période. Il y a des conservateurs dans le milieu psychanalytique, des progressistes. Mais Françoise Dolto était contestée à cause de ça dans le milieu psychanalytique. Mais elle était soutenue dès 1953, hein, vous avez rappelé les scissions, par Lacan. Et Lacan, en fait, était pas du tout comme Dolto. Ce qui a fait le génie de ce couple, c'est qu'ils étaient totalement différents. Vous aviez d'un côté un très grand théoricien, que Françoise Dolto trouvait infantile, elle aurait voulu l'avoir en analyse dans son enfance, mais qui était très sensible à l'enfance lui-même. Et au fond, il donnait à Françoise Dolto l'armature théorique. Et donc, Françoise Dolto, il soutenait Françoise Dolto. Elle a toujours été compagnon de route de Lacan. Elle a été fondatrice de son école. Et si vous voulez, en face, il y avait la Société psychanalytique de Paris, hein, fondée donc en 1926, où il y avait plutôt la psychiatrie de l'enfant, Lebovici, Diatkin, qui est tout à fait honorable. Ils n'étaient pas d'accord entre eux. Ils n'étaient pas d'accord entre eux parce que ils trouvaient, eux, Françoise Dolto, trop indépendante, pas assez analyste, pas assez classique, etc. Donc il y avait cette rivalité. Mais alors, vu de l'extérieur, dès le moment où Françoise Dolto est devenue, au fond, assez médiatique, là, il y a eu tout simplement une jalousie, une détestation. Et puisque vous me demandez ce qui est conservateur, évidemment, quand on l'entend là, les reproches de ce médecin qui lui dit « Enfin, vous soignez pas ?» Bah si, elle soignait. Eh oui, c'est là, c'est le conservatisme aussi, jouait aussi. C'est vrai que Françoise avait adopté cette idée qui n'existait pas tellement chez d'autres psychanalystes, sauf chez Winnicott. Ça n'existait pas beaucoup chez ma mère non plus. Mais Françoise, c'est vrai qu'elle s'adressait aux enfants, à la fois très sérieusement, en leur parlant une langue très pure. Elle bétifiait pas. Et en même temps, dans un langage qu'ils pouvaient comprendre. Là, on l'entend dans le document, quand elle parle des germes, enfin, de la manière dont on fait les enfants. Alors, elle donnait ça. Elle avait un côté elle-même de mélange, je crois que c'est ça qui était inouï chez elle. Elle avait ce mélange à la fois d'avoir gardé en elle l'enfance, elle était enfant, et d'être en même temps, je dirais pas mamie, on l'a appelée mamie, je la voyais plus paternelle. Je la voyais comme un père autoritaire, Françoise Dolto. C'est pas une mamie. Et si vous voulez, de prendre très au sérieux tous les problèmes de l'enfant. Puis, dernier point, quand oui, elle dit allez-y. Qu'elle a la grâce, elle avait un génie inexplicable de l'explication des dessins d'enfants. Elle avait un génie qui faisait d'ailleurs, par certains côtés, ses défauts, parce qu'elle théorisait pas tellement, mais elle le disait à Lacan, tu m'apportes la théorie, mais alors elle avait une compréhension des dessins d'enfants, une interprétation très souvent juste, et qui, chez beaucoup d'héritiers, c'est très difficile d'hériter d'un génie clinique, parce qu'il faut pas se tromper d'interprétation. Et ce que vous dites, ça va nous renvoyer à une archive qu'on va écouter. C'est Claude Almos, qui est elle-même a bien connu Françoise Dolto. Elle a été son élève. Ben oui, et qui parle de sa principale qualité, justement. Françoise Dolto était quelqu'un qui écoutait les enfants comme je pense personne ne les écoutait. Elle les écoutait un petit peu à la façon dont un enfant les aurait écoutés. Elle les écoutait en analyste, bien sûr, mais elle avait une capacité à entendre la façon dont véritablement ils parlent, dont ils ressentent les choses, etc. Et c'est cette espèce de connaissance d'un aspect de l'enfance dont on ne parle jamais qu'elle donne dans ses articles, avec un luxe de détails qu'on ne retrouve pas forcément dans l'ensemble de son œuvre. Elle a su les écouter, elle a su les retenir, et elle a même su les enseigner aux adultes que nous sommes et aux autres analystes pour qu'ils arrivent à comprendre les enfants. Et elle dit elle-même que des expressions qui sont devenues tout à fait célèbres, qui sont des expressions comme « mère de naissance », par exemple, que va dire un enfant adopté, ce sont les enfants qui lui ont appris. C'est pas du tout elle qui l'a inventé. Alors, je disais tout à l'heure que quand on parle de Dolto... Je veux dire que je suis entièrement d'accord. Oui, mais je vous ai pas fait réagir parce que finalement, vous l'aviez dit avant, hein, c'est bien sûr. Alors, simplement, sur, on va finir là-dessus, c'est important. De toute façon, on vous retrouve demain hein, dans la fiction, mais je voudrais finir là-dessus. Je disais dans le récit que quand on parle de Dolto, soit on en parle en sombrant dans la géographie aveugle, soit dans la critique malhonnête. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, vous, quelles sont les limites des thèses avancées par Françoise Dolto sur le nourrisson, par exemple? Est-ce qu'il y a des points avec lesquels vous n'êtes pas d'accord et qui constitueraient des limites, peut-être aussi à l'admiration? Pas là-dessus. Sur les quoi critiques que ouais j'aurais, elles ne sont pas là-dessus. C'est compliqué, je suis fille de psychanalyste d'enfant, donc j'ai une connivence très particulière, non seulement avec les psychanalystes d'enfant, mais avec l'enfant. Parce que ça laisse des traces. Si vous voulez... Les limites de Françoise Dolto, c'est l'héritage. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas imiter. Or, et c'est pas le cas de Claude Almos, qui est une vraie psychanalyse enfant et qui l'imite pas, elle a eu des imitateurs. Or, si vous voulez, c'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire, tout le monde s'est mis à faire du Dolto. Et je dirais que c'est ça. La deuxième chose qu'on peut évidemment reprocher à Françoise, c'est à un moment donné, quand elle a eu cette formidable audience médiatique, les médias l'ont un peu pressée, surtout. Moi, je ne partage pas du tout ces interprétations de l'Évangile. Je pense que par moments, elle a eu des propos tout à fait insensés. Ça lui est arrivé sur l'avortement, alors qu'elle était fondamentalement favorable à l'émancipation des femmes. Mais par moments, elle aimait tellement les enfants qu'elle se mettait à aimer les fœtus. Enfin, attention, hein, elle est à une période où les médias se mettent à faire déraper des personnes qui n'arrivent pas à bien maîtriser. Elle est trop interviewée à la fin de sa vie. Après, c'est aux personnes de ne pas jouer le jeu non plus tout le temps. Je suis d'accord, mais attention. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais il y a un apprentissage. Moi, j'appartiens à une autre génération. J'ai été élevée dans les médias et je sais beaucoup mieux maîtriser la parole. Françoise est une pionnière. Et au fond, elle était d'un naturel tout à fait extraordinaire. Et puis, si vous voulez, je dirais qu'à la fin de sa vie, catholique, évidemment, le mot, son éducation est catholique, elle allait dans les églises, mais elle était œcuménique. Son mari était orthodoxe. Donc, c'était toutes les religions. Et là, en effet, à un moment donné, pour les gens comme moi, il y avait trop de bondieuseries, je dirais. Ah oui. Et même les jésuites le lui reprochaient. Donc, si vous voulez, il y avait une scission dans le milieu dans lequel on trouvait qu'elle faisait trop de bondieuseries. Mais bon, tout ça n'est pas bien grave. Il faut la mettre à sa place, qui était ce génie de l'écoute de l'enfance. C'était pas une théorie, pas une grande théoricienne. C'était un génie dans l'application. Toute dernière chose, et au-delà de Françoise Dolto, je pose la question à vous, parce que vous êtes psychanalyste. Est-ce que la psychanalyse est un outil d'émancipation de tous les dogmes, qu'ils soient religieux, bourgeois? Est-ce que c'est l'émancipation? Ça a été rêvé comme ça. C'est déjà pas mal. Mais il ne faut pas oublier que plus une doctrine est subversive, plus elle peut devenir le contraire, c'est-à-dire dogmatique et conservatrice. En outre, juste un mot, le mouvement psychanalytique mondial est tellement important, et il existe toujours, il survit, que vous avez dans le mouvement psychanalytique une gauche, une droite, des conservateurs, des réactionnaires, des gens qui ont collaboré avec le nazisme, avec des dictatures, des progressistes. Donc attention, c'est une planète. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui que, oui, en tant que tel, le premier message a été l'émancipation, c'est-à-dire la découverte du continent de soi-même, inconscient. L'inconscient existait avant Freud. Il y a d'autres théoriciens de l'inconscient. Mais aujourd'hui, non, il y a énormément de psychanalystes, à mes yeux, qui sont beaucoup trop réactionnaires, beaucoup trop conservateurs. Elisabeth Rodinesco, on se retrouve demain. Hein, vous restez avec nous pour cette fiction autour de Françoise Dolto qui sera axée sur la jeunesse de Françoise Dolto. C'est à 15h, bien sûr. Donc, à demain, madame. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui Françoise Dolto, sa vie, son œuvre, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles et rendez-vous donc demain pour la fiction autour de Françoise Dolto et de sa jeunesse.